squelette je semble, décharné, énervé, démusclé, dépoulpé, que le trait de la mort sans pardon a frappé. Je n'ose voir mes bras que de peur. Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble, ne me sauraient guérir, leur métier m'attend.